Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, L'Inceste, une série de Johanna Bedeau réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a un an, une vague de témoignages portés par le hashtag MeTooInceste déferlait sur les réseaux et que le gouvernement mettait en place une commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, destinée à collecter les témoignages en espérant enfin une prise de conscience collective d'un crime qui est aussi un système de domination. Et dans vos oreilles aujourd'hui, un juge à l'écoute qui pèse ses mots, une militante féministe ébouriffante, une psychiatre en lutte et des victimes qui posent les mots pour que l'on puisse comprendre. Mais pour commencer, dernier épisode, la commission prend des bonnes résolutions. Un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes. Et nous voulons que les enfants gardent confiance dans le monde des adultes. Colloque de la Civise, novembre 2021. Nous savons bien que la commission a été créée parce que les personnes qui ont été victimes des violences sexuelles dans l'enfance et la société tout entière ont dit « ça suffit ». Commission sur les violences sexuelles dans l'enfance, bonjour. Aujourd'hui, la parole partout en France se libère. Nos enfants ne sont pas protégés. Sur les réseaux sociaux, dans les livres, oui. Les journaux. Et donc, on l'a entendu ce matin, il y a beaucoup de colère. Vous souhaitez apporter votre témoignage ? Cette colère est justifiée. Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose. Janvier 2021. Il explose grâce au courage. Le courage d'une sœur qui n'en pouvait plus de se taire. C'est vous-même qui avez été victime ? Puis ces derniers jours, le courage de milliers d'autres témoignant de leur vie brisée dans le sanctuaire de leur chambre d'enfant, de leurs enfances volées lors de vacances en famille ou de moments vous avez quel âge aujourd'hui ? Qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Vous avez été victime de violences sexuelles. Ces témoignages. Plusieurs réponses possibles. Ces paroles. Ça, c'est pas mal, parce que parfois, il n'y a pas plusieurs parfois, réponses possibles et on n'est pas, c'est pas super. Plus personne ne peut les ignorer. L'inceste, enfin une prise de conscience collective. Et à quel âge ça vous est arrivé ? Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. Dans votre famille, au sein de votre entourage, au sein d'une institution, dans l'espace public. Ça s'est produit plusieurs fois ? Alors moi, j'ai coché « dans ma famille ». Parce qu'il y a eu chez moi, par mon père, par un oncle. Et c'était qui cette personne qui vous a fait ça ? Au sein de votre entourage, amis, petits amis, connaissances, voisins. Dans mon entourage, il y a un ancien ministre. Vous en aviez déjà parlé avant de nous contacter ? C'est la première fois. Et au sein d'une institution religieuse, club de c'est sport... C'est très courageux de nous appeler aujourd'hui. Hein. C'est un pas important que vous faites dans votre chemin. Apprentissage, internat scolaire... Alors nous, la Civise, en effet, se charge de recueillir un maximum de témoignages de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Dans l'espace public. Le but étant de faire remonter toutes ces informations au pouvoir. L'objectif de la Civise est très clair. Les dysfonctionnements que sa vocation est de recueillir la parole des victimes de violences sexuelles et notamment d'inceste. Édouard Durand, juge pour enfants et coprésident de la Civise. Donc les trois modalités principales de recueil de témoignages sont l'écoute par le biais de la plateforme au téléphone. Tout à fait, vous pouvez nous apporter votre témoignage. C'est vous-même qui avez été victime. Le recueil des témoignages qui nous sont adressés par lettre ou par lettre électronique. Oui, ça a eu lieu dans les escaliers de chez moi par un collègue de mon père. Les rencontres en personne à la commission. Et puis la Civise, depuis le mois d'octobre, organise chaque mois un déplacement dans une ville de France. Votre fille. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? Et c'est aujourd'hui à nous d'agir. 5 ans. Ne jamais nous habituer, ne jamais accepter. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants, en sachant les écouter, en saisissant chaque signe. Votre fille aujourd'hui, elle a 5 ans. Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui vous a alerté ? Il nous faut les accompagner. Il nous faut punir. Les criminels pour leurs actes passés. Elle vous a dit quoi ? Quel mot elle a utilisé ? Et pour empêcher toute récidive. on a mis des années pour faire cette commission. Pour moi, c'est aussi une défaillance du monde adulte pendant des années. Pourquoi, une fois de plus, il a fallu que ça vienne par les médias, qu'on arrive à faire ce genre de choses. Maintenant, tant mieux. On vous croit. Mais c'est pour vous dire à quel point, depuis toutes ces années, ils ont réussi à s'invisibiliser. Et vous ne serez plus jamais seul. Ils ont profité de toutes les failles, et puis y compris de l'idéologie de certains juges, de l'idéologie de certains éducs. Pierre Lévy-Soussan, expert psychiatre. Mais non, vous n'y pensez pas, ça n'existe pas, une telle personne ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, tous nos points aveugles, ils ont abusé de nos points aveugles. Donc le tabou de la violence sexuelle parentale n'a d'égal que le totem du lien biologique. Oui, parce qu'il est vrai que ce totem du lien biologique dans notre société, c'est terrible. Ça, c'est la maison d'accueil, donc avec une entrée sur le boulevard de la République, une entrée rue Camille Bru, et ça prend toute la rue Nathalie et Mathieu, tout le pâté de maison. Vous visiterez, à l'intérieur, il y a une cour. Co-présidente de la Civise et directrice générale de la maison d'accueil Jean Bru. C'est quand même grand, hein ? Oui, c'est très grand. C'est une capacité d'accueil de 25 jeunes, mais les 25 ne sont pas à l'intérieur. On loue aussi des appartements en ville pour les plus grandes. Oh, mais il y en a qui nous guettent. Il faut prendre le temps de recueillir ces témoignages. Et nous invitons toutes les personnes à se rendre sur notre site internet ciivise.fr pour renseigner le questionnaire, pour nous aider à montrer à la société tout entière ce que sont les violences sexuelles. Nous allons construire des outils de protection. Continuer à faire des préconisations de politique publique, changer la loi, changer les pratiques professionnelles pour que les enfants ne soient plus en danger, mais protégés. Alors, dans quel lieu les faits se sont-ils produits ? Chez mes parents pendant la première période d'abus, 0-3 ans en gros. Chez mon père pendant la seconde période d'abus, 6-12 ans en gros. Y avait-il des personnes présentes dans le même lieu pendant les faits ? Oui ou non ? Oui, précisez lesquelles. Alors, parfois, des femmes que mon père baisait sous mon regard, cela l'excitait. Ma cousine jumelle sous mon regard, une fois, nous avions 11 ans, plus beaucoup de cousins, de cousines, oncles, tantes, sur au moins 4 générations. D'abord, merci beaucoup de prendre un peu de votre après-midi pour nous expliquer des tas de choses. C'est gentil de nous consacrer du temps. Je propose qu'on commence par un petit tour de table, de présentation. Alors, Yann Douzane, je suis le directeur de la maison d'accueil Jean Bru. Édouard Durand, juge des enfants et co-président de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles. Ernestine Renet, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, membre de la commission. Je m'appelle Christine, j'ai été accueillie à la maison d'accueil Jean Bru à la fin des années 2000, de l'âge de mes 9 ans à l'âge de 12 ans. Angélique Mouly, membre de la commission. Je suis également une ancienne jeune fille de la maison d'accueil Jean Bru. J'ai été accueillie de 1998 à 2001, de mes 10 ans à mes 13 ans. L'association Jean Bru, comme son nom l'indique, c'est une association. C'est d'abord, par principe, un regroupement de personnes qui ont été sensibilisées à une problématique spéciale, qui est celle de la problématique de l'inceste. Donc, cette association a monté cet établissement ici, en 1996. Mais la question de l'inceste n'était vraiment pas du tout abordée en 1996. D'ailleurs, je dirais même qu'elle n'est pas forcément encore beaucoup abordée aujourd'hui. Il suffit de lire les schémas de protection de l'enfance de l'ensemble des départements de la France. Le mot inceste n'apparaît quasiment pas dans leur schéma de protection de l'enfance. Nous, évidemment, on est contents de pouvoir discuter avec vous et puis on a certainement des questions. Mais je ne sais pas si, vous aviez prévu le premier placement que j'ai eu, où on m'a placé par le système social. Ça va être quand j'ai l'âge de 1 an, avec mes frères et sœurs. Je suis dans une fratrie de 4, je suis la petite dernière. Angélique. Et on a été tous les 4 placés dans une famille d'accueil, dans un premier temps. Ma mère a été victime d'inceste de la part de mon grand-père paternel. et pour pouvoir se reconstruire et réapprendre à vivre avec son propre corps, ce qui a été très difficile forcément, hein. Elle a vécu le viol et intrafamilial en plus. Elle a demandé, puisque mon père ne se sentait pas capable de pouvoir garder les enfants, les 4 enfants, et puis il avait une profession, elle a demandé à l'aide sociale à l'enfance s'il pouvait placer les enfants le temps qu'elle puisse se reconstruire. Elle nous a récupérés quand j'avais l'âge de 5 ans, je crois. Donc de 1 an à 5 ans, je suis placée. De mes 5 ans à mes 9 ans, 10 ans, je vis avec ma mère et mon beau-père, toute cette période-là. Et j'ai donc été victime d'inceste de mes 7 ans jusqu'à mes 10 ans, de la part de mon beau-père. Sachant que mon père, par contre, a été reconnu coupable d'attouchement sexuel sur ma sœur et sur potentiellement moi, mais ça n'a pas été vérifié. Ce qui est sûr, c'est que moi, cette journée, le premier jour où j'ai vécu l'inceste, c'est quelque chose qui est gravé. Pendant combien de temps ces violences sexuelles ont-elles duré ? Une seule réponse possible, ce qui est nul parce que, en fait, comme il y a des violences sexuelles différentes, eh ben, il y a des réponses différentes. Et en plus, il y a eu 2 périodes. C'est arrivé plein d'autres fois derrière. Je le vivais hebdomadairement de façon plusieurs fois par semaine. Mais je me souviens pas de toutes les fois où je l'ai subi. Je me souviens de la première fois où je l'ai subi parce que ça représente une césure dans ma vie d'enfant, un petit peu la mort de ma vie d'enfant. Alors, les réponses possibles, c'est il n'y a eu qu'une seule fois. Elles ont duré moins d'un mois, entre un mois et un an. Je me promène dans la forêt avec mon beau-père après que ma mère ait fait une chute dans un petit ravin et elle a perdu ses papiers d'identité. Et donc, parce qu'elle ne peut pas marcher, lui et moi, on retourne sur les lieux pour essayer de retrouver ces éléments. On les retrouve. Et puis, c'est quelqu'un, il faut replacer dans le contexte, quelqu'un avec qui je vis. Ma mère travaille la nuit, lui, il a un léger handicap, donc ça l'empêche de pouvoir travailler, donc il vit une grande invalidité. Donc finalement, c'est la personne que je vais voir au quotidien, parce que ma mère, elle dort la journée pour travailler la nuit, enfin. Donc c'est la personne avec qui je tisse un lien. Et cette personne, elle est alcoolique, colérique, c'est difficile de la satisfaire, qu'elle a un mot bienveillant. Et donc, quand à ce moment-là, il me sourit, il est gentil avec moi, il me dit des choses qui sont positives, je suis en recherche de ça parce que je suis en déficience de ça. Je ne l'ai pas, cet amour. Donc, quand on me le donne, je vais vampiriser et essayer de l'obtenir au maximum. Et donc, quand il me dit que ça lui ferait plaisir de me montrer comment on fait des enfants et s'il me demande si moi je sais comment on les fait, ben je dis non, mais s'il me demande si je veux savoir, je vois que ça lui ferait plaisir de me le dire. Et donc, parce que j'ai envie qu'il soit gentil et bienveillant avec moi, ben je dis oui. Et c'est comme ça que mon histoire commence. Il m'entraîne à l'extérieur du sentier, il me demande de me déshabiller. J'ai peur, mais j'ai envie de lui faire plaisir. Et c'est là que mon histoire commence. À quelle fréquence ces violences sexuelles ont-elles eu lieu ? Une seule réponse possible. Au moins une fois par jour, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, c'est ce que j'ai coché. Moins souvent, vous ne savez plus. Tout est fait pour que les victimes ne puissent pas parler. La majorité des victimes a moins de 10 ans. Elles sont hyper traumatisées, avec des mécanismes de survie qui sont extrêmes, donc en état de choc traumatique continuel. En plus, elles accumulent tous les facteurs de risque les plus graves pour les traumas. C'est-à-dire les viols, les pénétrations, la répétition des violences, le fait qu'elles durent très longtemps, et en plus, le fait d'être tout le temps exposée à l'agresseur. Muriel Salmona, psychiatre. Donc elles vont rester en état de survie extrême, de choc traumatique, et complètement dissociées, déconnectées. Elles se décrivent comme des mortes vivantes, en incapacité d'agir, de penser ce qui leur arrive, en incapacité d'avoir accès à ce qui leur est arrivé. C'est cette fameuse amnésie traumatique liée à tout ce que je viens de vous dire. Donc elles sont niées, elles sont rayées de la carte pendant de nombreuses années. En plus, elles ont la société, tous les culpabilisés leur fait honte, puisque, je veux dire, cette propagande anti-victimaire où c'est la victime de violences sexuelles qui est à l'origine de son malheur, qui est responsable, qui est coupable, je veux dire, c'est d'une efficacité totale. Et quand elles arrivent enfin à parler, en moyenne, plus de 10 ans après, c'est autour de 16 ans après, hein, dans, la plupart des enquêtes le montrent, quand elles arrivent enfin à parler, il y en a 69% qui arrivent enfin à parler, les 3/4 ne vont être absolument pas entendus, c'est-à-dire qu'on va rien avoir à faire de leur témoignage, ils n'existent pas. Et pour celles qui seront entendues et qui vont pouvoir possiblement porter plainte, hein, les rares, à ce moment-là, bah, tout va leur tomber dessus, c'est-à-dire que leur témoignage vont être décrédibilisées. On va leur reprocher tout ce qu'elles ont subi. On va leur reprocher leur trauma de façon hyper cruelle. La société elle-même, qui n'a rien fait pour elles, n'a rien fait pour leur permettre de parler, va leur reprocher de ne pas l'avoir fait. Et au final, vous savez que pour les plaintes, il y a 74% de classement sans suite. Donc, mais tout est super organisé. Alors, il n'y a pas qu'en France, hein, dans tous les pays. En Grande-Bretagne, en 10 ans, il y a eu 40% de condamnations pour viol en moins. Donc c'est de pire en pire, hein, avec pourtant des violences sexuelles dont les chiffres augmentent. Et la justice est de plus en plus en faillite. Et en Grande-Bretagne, ils ont même, ce que je demandais moi au président de la République de faire après son discours, après le mouvement MeToo Incest, c'est-à-dire de vraiment reconnaître la faillite de l'État, de demander pardon, enfin de dire que effectivement l'État français n'avait pas rempli ses obligations internationales ni pour prévenir ces violences, ni pour protéger les victimes, ni pour poursuivre et condamner les agresseurs. Et que, je veux dire, on peut porter plainte au niveau de la Cour pénale internationale contre l'État français, comme d'autres États. Quand vous avez une atteinte aussi, comme je le disais, originaire dans son développement, c'est l'humanité qui doit être créditrice de ce qu'elle a fait. Pierre Lévy-Soussan, expert psychiatre. Parce que ce qu'a fait l'homme qui viole, c'est quelque chose justement qui tend à le sortir de son statut d'humain pour le faire rentrer dans un statut d'objet sexuel. Donc pour le réinstaurer d'objet sexuel à sujet de l'humanité, il faut que nos lois, qui sont propres à l'humain et qui sont propres à la culture, le disent quelque chose sur ce qui s'est passé. C'est pour ça que pour moi, c'est, il n'y a pas que l'effet de la verbalisation. On est tous dans le coup dans les violences sexuelles, pour la bonne raison, c'est que c'est nous-mêmes qui avons édicté les lois de la filiation, qui avons validé l'adulte dans cette position-là auprès de l'enfant. Ce sont les lois qui l'ont désigné comme père et comme mère. Donc, en fait, l'enfant nous est comptable de cette position-là dans laquelle nous, on s'engage auprès de l'enfant, en fait, de le qualifier comme père et mère. Mais de la même façon que la société est responsable de qui elle qualifie comme père et mère auprès de l'enfant, elle est responsable aussi de la déqualification, voire de la disqualification de ces adultes-là. Sans ça, une fois de plus, pour moi, les conséquences sur un enfant auquel on n'a pas rendu justice se rendra justice lui-même. J'ai énormément d'exemples de psychopathie, de criminels, de voleurs, de tout ce que vous voulez, qui se rendent justice eux-mêmes. Parce que leur enfance, personne n'a levé le petit doigt. Le tiers a été défaillant. Et c'est pour ça que pour nous, on est responsable de ce tiers-là. Et je me souviens d'une expertise que j'ai faite d'un adolescent en prison de mineur qui, à 16 ans, avait violé deux jeunes filles. Et qui m'a dit « D'accord, je vais payer pour ce que j'ai fait. Mais qui va payer pour ce qu'on m'a fait ?» Et cette phrase, j'ai toujours en tête. Hein, c'est-à-dire, oui, on est comptable. Et pourquoi on n'a pas été le bras qui a retenu, en l'occurrence son père, d'une violence terrible envers lui ? C'est pour ça que moi, je suis autant critique sur les lois sur la protection de l'enfance quand elles ne font pas leur job de protection de l'enfance. Pourquoi le terme de violence n'apparaît pas dans la loi 2016 ? Enfin, vous rendez compte, le terme de violence d'un parent sur enfant n'apparaît pas dans la loi 2016. Est-ce qu'on voulait traiter quelque chose si on nomme pas les choses ? La loi du 21 avril 2021 dit clairement maintenant que aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être consentant à un acte de pénétration par un père, un grand-père, une tante, une grand-mère, etc. Emmanuelle Piette, médecin et coprésidente du collectif féministe contre le viol. Ça, c'est un énorme progrès fragile, parce que on nous a déjà cassé la dernière loi inceste. Il y a eu, en 2011, une loi, la loi a été deux ans, l'inceste est tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par menace, contrainte, violence, surprise ou inceste. C'était clairement écrit comme ça. Et ça a été cassé par une QPC, une question constitutionnelle de priorité, qui disait que l'inceste n'était pas assez bien défini dans le texte de loi pour que ça puisse... C'était une question constitutionnelle qui avait été posée par un père violeur, et le Conseil d'État a arrêté cette loi. Donc tous les procès qui avaient lieu avec cette loi-là ont été annulés, et ça a été terminé. Et il n'y a pas eu de loi jusqu'en 2018, où on nous a remis l'inceste dans le texte de loi défini, mais comme circonstance aggravante. Donc ça, c'est pas intéressant, parce qu'il fallait continuer à prouver, après la pénétration, la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Et ça, c'était pas intéressant. Donc là, on est content de cette loi-là. Pour que les enfants soient mieux protégés, et que les agresseurs ne bénéficient plus d'aucune impunité, il faut une législation plus impérative. Édouard Durand, juge pour enfants et coprésident de la CIVIS. C'est ce qu'a fait le législateur le 21 avril 2021, faisant franchir à notre société un pas essentiel dans ce qu'Ernestine René appelle la culture de la protection, en fixant dans la loi un seuil d'âge en deçà duquel la contrainte exercée par l'adulte contre l'enfant dans le passage à l'acte sexuel est nécessairement caractérisée. 15 ans, et le seuil d'âge est fixé à 18 ans dans les cas d'inceste. Cette loi n'est pas une loi sur le consentement. Cette loi ne dit pas qu'à partir de 18 ans, un enfant peut consentir à un acte sexuel de son père contre elle ou contre lui. Cette loi est une loi sur la preuve. Elle empêche d'exiger d'un enfant qu'il démontre que c'est autrement que par la force que l'adulte a obtenue sur elle, sur lui, cet acte sexuel. Il faut toujours bien se représenter que le passage à l'acte sexuel de l'adulte est toujours une perversion du besoin de sécurité de l'enfant. Donc à ce moment-là, vous avez fait quoi ? Il y a des viols d'enfants, et ce à partir de 4 ans et demi, où la pénétration était constituée, mais où on n'a pas prouvé la contrainte, la menace, la violence et la surprise, et donc ils sont passés en atteinte sexuelle. Que l'agresseur soit éloigné de l'enfant. Ça, avec la loi du 21 avril 2021, ça doit être terminé maintenant. Toute pénétration d'enfant, avant 15 ans, est un viol. Exactement. Il n'y a pas à poser la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Si tu es un adulte qui met la verge, qui pénètre un enfant, c'est un viol. Et puis pour l'inceste, c'est 18 ans. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, votre détresse, je l'entends, et elle est normale, en fait. Hein, dans cette situation, quelle maman ne pourrait pas être complètement... J'oublie ce qui s'est passé, ou j'accepte que ce soit quelque chose de normal, pour continuer une vie normale, parce que c'est un nouveau paramètre. Hein, donc, il y a quelque chose qui s'est passé, ça arrive, ça fait très mal. Je souffre, j'ai l'impression que c'est normal parce que personne s'en soucie. Et donc il faut que j'arrive à vivre avec ce nouveau paramètre, que je me construise autour de ce nouveau paramètre. Alors j'ai peur, je sais que c'est pas quelque chose que j'aime, donc c'est quelque chose que je vais fuir. Finalement mon quotidien va se construire autour de la peur et de la fuite. Je vais réfléchir à l'école, où est-ce que je vais pouvoir me cacher à la maison pour pas qu'il me trouve? Qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'il ait envie, qu'il soit intéressé par ça? Peut-être essayer de mettre de la distance, et en même temps c'est pas possible, puisque c'est seulement à ces moments-là qu'il va me témoigner le peu d'affection que je recherche finalement. La quatrième série de questions concerne la révélation des faits. Moment choisi, personne confidente, donc, et les réactions que votre révélation a entraîné. J'enterre la personne que j'étais. Je me construis à nouveau avec ce paramètre-là qui rentre en ligne de compte, tout en fuyant ce paramètre-là, en essayant de faire que ça ne se reproduise pas, et en sachant que je ne peux pas le changer, en fait. Je n'en ai jamais parlé à ma mère parce que je pensais que c'était normal. Avez-vous déjà révélé les faits ? Oui. Non, c'est la première fois que j'en parle. Oui. Parce que il n'y a pas eu la prévention à l'école qui me disait qu'un homme adulte n'a pas à toucher une petite fille à ces endroits-là, à toucher le sexe d'un homme adulte. Ces choses-là, ça n'est jamais arrivé. Et moi, je vivais en autarcie. J'avais pas vraiment d'amis, on déménageait tout le temps. Finalement, j'avais personne à qui le dire. Hein. Donc, je l'ai découvert seulement en venant à la maison d'accueil Jean Bru, ici, au travers de discussions avec d'autres jeunes filles qui ont vécu des violences sexuelles intrafamiliales. Même en étant dans ce lieu destiné à la protection de l'enfance contre ce type même de sévices, je suis retournée dans ma famille et j'ai subi. J'étais ici placée, je suis retournée à Noël, et plusieurs fois même, je pense, là-bas, et bien parce qu'il n'a jamais été inquiété, même malgré le fait que je sois placée dans cet endroit précis. Donc qu'est-ce qui l'empêchait, quand je reviens à la maison, de recommencer, de continuer? Et donc je rentre, et là... ils en parlent tous autour d'un petit déjeuner du soir. On mangeait des gâteaux au lieu de faire le dîner. Et puis elles étaient toutes choquées des histoires que les unes et les autres pouvaient raconter sur leur propre vie. Et puis moi, j'étais à côté. Mais pourquoi vous êtes tous choquées? Je comprends pas. C'est pas normal, en fait, parce que moi, c'est juste arrivé le week-end dernier. L'éducatrice, elle se décompose, elle fait « Comment ça ? C'est arrivé le week-end dernier, je comprends pas, t'es ici, t'es censée être protégée en fait, et tu m'expliques que on n'a pas réussi à te protéger, tu es retournée chez toi, tu as vécu, C'est pas la première fois où tu es ici, on te renvoie chez toi et tu as vécu, en fait. Tu as subi. Bah, du coup, oui, en fait. Mais en même temps, si personne me dit pourquoi je suis ici, comment j'aurais pu savoir que c'était pour que ça n'arrive plus jamais ? Quand avez-vous parlé de ces faits ? Une seule réponse possible. Alors là, c'est vraiment nul. Toutes les réponses, c'est au moment des faits, moins de 3 mois après les faits, entre 3 mois et 1 an après, entre 1 an et 5 ans après, entre 5 ans et 10 ans après, plus de 10 ans après. Elle est où, votre petite, là ? Si j'avais pu cocher plusieurs cases, j'aurais coché entre 3 mois et 1 an après. Alors, j'entends... J'ai pas été entendue, il n'y a pas eu de conséquences. Entre 1 an et 5 ans après, j'ai pas été entendue, il n'y a pas eu de conséquences. Oui. Plus de 10 ans après, j'ai pas tout dit. Bon. J'ai été entendue pour certaines choses et pas pour d'autres, et entendue par certaines et pas par d'autres, et j'ai pas été entendue par la justice. Et 30 ans après, on va dire, enfin, les choses commencent à bouger. Je parle, les choses commencent à bouger et j'ai l'impression d'être entendue. En gros, c'est maintenant, hein, enfin depuis 2 ans. Voilà. Mais j'ai quand même beaucoup parlé sans être entendue. Bien sûr que l'essentiel est de créer de nouvelles conditions d'écoute de ces enfants, mais ces conditions d'écoute, comme tous ceux qui sont en contact avec les traumatismes des enfants le savent, ces conditions d'écoute, il suffit pas de les créer ou de les décréter pour qu'effectivement la parole des enfants se libère. Marc répond. Ce qu'on peut toutefois penser, philosophe, c'est qu'évidemment, il y a un travail d'éducation qui peut se faire en amont. Probablement que on devrait, à l'école, ne pas avoir peur, dès le plus jeune âge, de parler aux enfants de la sexualité, de leur sexualité, des droits de leurs parents et des limites des droits de leurs parents. Et probablement que si, dès le plus jeune âge, on disait aux enfants « Votre corps vous appartient, même les gens que vous aimez le plus, vos frères et sœurs, vos parents, vos oncles et tantes, vos grands-parents, n'ont pas tous les droits sur vous. » Et si jamais on touche à votre corps et on abuse de votre corps, c'est un crime. Voilà. Là, on a une éducation en amont qui fait que le regard des enfants sur leur propre corps, sur leur propre sexualité, on peut espérer que ce serait un regard plus averti et que, dans le fond, dès l'enfance, la perception de l'inceste comme un crime soit présente. Commission sur les violences sexuelles dans l'enfance, bonjour. Oui. Comment avez-vous eu notre numéro de téléphone ? Il ne faut pas demander aux enfants d'organiser leur protection. Et un enfant, il va faire comment pour dire non à un adulte qui a l'intention vous de le détruire ? Nous apporter dire, si vous êtes braqué, il suffit que vous disiez non à quelqu'un pour qu'il arrête de vous braquer et qu'il ne vous tire pas dessus si vous ne voulez pas lui donner votre caisse. Comment fait. On peut demander à des enfants de se protéger ? Donc il faut absolument agir. Donc il faut aller chercher les enfants, il faut leur poser systématiquement la question, il faut identifier ce qui leur arrive, il faut arrêter de penser qu'un enfant, c'est des troubles du comportement, il est opposant, que c'est normal qu'un enfant se fasse un adolescent fasse des tentatives de suicide, voire un enfant fasse des tentatives de suicide et des conduites addictives. Ben non, c'est pas normal. Il s'est passé quelque chose, il souffre. Enfin, reconnaître la souffrance de l'enfant, mais aller au-delà, c'est-à-dire de poser systématiquement des questions. Quelles questions il faut poser à l'enfant ? Ben, suivant son âge, suivant son handicap, suivant beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, c'est aussi tous les enfants discriminés, le racisme. Hein. Je veux dire, un enfant noir a plus de une fille noire a plus de risques de subir des violences sexuelles qu'une fille. Enfin, je veux dire, c'est voilà tout ce qui est discrimination, précarité, vulnérabilité, c'est clair. Alors, comment on fait pour poser des questions aux enfants ? Bah, il faut lui demander est-ce qu'on t'a pas fait du mal ? Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui te préoccupe ? Est-ce que il y a pas quelque chose qui t'a beaucoup gêné ? Est-ce que tu es malheureux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait pleurer ? Mais enfin, des choses toutes simples. Hein. Alors du coup, précisément de demander est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ? Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a mis horriblement mal à l'aise ? Enfin, il y a plein de façons de dire. Et puis après, suivant l'âge de l'enfant et suivant ses connaissances, on peut demander clairement est-ce que t'as subi des violences sexuelles ? Et vraiment d'y aller, de poser les questions, mais il faut le faire tout le temps. Et c'est pas que les professionnels qui doivent faire, c'est les parents. Enfin, c'est toutes les personnes qui sont en situation de vouloir de protéger l'enfant doivent le faire, mais pas une fois. Pas, là, le président de la République nous a un peu entendus et a demandé qu'il y ait un dépistage systématique en primaire et au collège, mais c'est absolument insuffisant, il faut le faire tout le temps. Le ministre a annoncé qu'il allait y avoir un questionnement systématique. Très bien. Ernestine Renet, responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Je pense que pour le questionnement systématique soit efficace, il faut aussi des temps de sensibilisation dans les classes, etc. Parce que dans le fond, quand vous regardez « Mon corps, c'est mon corps », un film canadien, un outil de formation que je souhaiterais voir revenir sur le devant de la scène, eh bien, c'est « il me touche les fesses ». Ben, ça me dit non. J'ai pas envie qu'il me touche les fesses. Et dans le fond, l'enfant va comprendre ce que l'adulte a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et « ça me dit oui, ça me dit non », moi j'aime beaucoup cette phrase, c'est à l'intérieur de moi. Et ça va peut-être pas être différent d'un enfant à l'autre, mais c'est pas grave. Je veux pas, moi. Et il faut que toi, mère, ma mère, toi, mon père, toi, je sais pas qui, tu respectes ce nom. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à la fois aux enfants, aux parents et aux professionnels. Et dans ce dispositif de « Mon corps, c'est mon corps », on a un temps de travail avec les parents, un temps de travail avec les professionnels de l'école et un temps de travail avec les enfants. Et donc, pour l'avoir fait, à chaque fois, j'avais au moins sur une classe de 30 un enfant qui révélait des violences. Donc, c'est très important. Très bien. Oui. Donc, vous avez tout mis en œuvre pour la protéger. Oui. Il a déposé plainte contre vous ? Donc, il a déposé combien de plaintes pour non-représentation d'enfants ? Ça, c'est très intéressant, le petit Nicolas, parce que c'est un exercice de formation. Oui, oui, on pointe également lorsqu'il y a des dysfonctionnements judiciaires, bien sûr. On va le faire. Voilà, je te présente Nicolas, il a 4 ans et demi, et il vient te voir toi, et il te dit « Hier, mon papa m'a obligé à lui sucer le zizi. Qu'est-ce que tu vas lui dire ?» Alors que tu peux lui dire plein de choses, hein. Je dirais que sur les 15 réponses qu'on va me faire ce jour-là, on va me dire qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que c'était la première fois ? À qui tu l'as dit d'autre ? Est-ce que tu l'as dit à ta maman ? Qu'est-ce qui t'a fait d'autre ? Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que ça t'a fait mal ? Est-ce que ça t'a plu ? T'aurais dû lui dire non. Ton corps est là pour toi, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, on va discuter de ce qu'il faudrait dire. Ça, tu vois, ça dure 2 minutes. On va chercher ce qu'on pourrait lui dire. En fait, il faut lui dire, ton papa n'a pas le droit, tu y es pour rien, je vais t'aider. Grosso modo, c'est ça. Et la phrase, je vais t'aider, arrive en moyenne en 17e position. C'est-à-dire que les gens sont complètement démunis dans une phrase comme ça. Et après, le jeu d'après, qui est un jeu un peu sadique, et bon, bah, vous avez dit que vous alliez l'aider, qu'est-ce que vous faites ? Donc finalement, on arrive à penser qu'il faut faire un signalement au procureur de la République du parquet des mineurs. Et donc je dis, maintenant vous allez écrire la phrase que Nicolas a dit il y a 10 minutes. Et vous allez ouvrir les guillemets et dire la phrase que j'ai prononcée il y a 10 minutes. Et bien dans un stage de 30 personnes, j'ai 22 phrases différentes. Et surtout, elles sont toutes en atténuation. La plupart du temps, les gens te répondent, mon papa m'a demandé, je l'ai là, mon papa m'a demandé de lui sucer le zizi. C'est ça la phrase habituelle. Donc là, tu as la moitié des gens qui lèvent le doigt. Après ça, j'ai sucé le zizi de mon papa. Après ça, mon papa m'a fait sucer son zizi. Et en fait, ils ont supprimé la contrainte. Parce que la phrase, c'était « mon papa m'a obligé ». Ils ont tous été en atténuation. J'ai jamais vu de choses aggravées. Et puis, ils ont oublié hier. Et ça, c'est vachement embêtant. Parce que hier, je peux aller tout de suite chercher du spermatozoïde dans l'amygdale de Nicolas. Mais si c'est Jésus, c'est le zizi de mon papa, jamais on ira chercher. Donc on supprime, au niveau du code de procédure pénale, le flagrant délit, qui te permet de faire une vraie enquête où on va aller, machin, regarder les couvre-livres si on trouve du spermatozoïde, des petites choses comme ça. Là, tu n'auras pas les moyens d'enquête, parce que tu auras supprimé le flagrant délit. Et donc voilà, on voit que on a tellement pas... Et c'est des gens qui s'occupent d'enfants, c'est des gens qui aiment bien les enfants, qui n'ont pas envie d'imaginer, parce que c'est ça qu'il faut imaginer avec ce que je viens de raconter, une grosse verge d'un monsieur... Dans une petite bouche d'enfant de 4 ans et demi, ça donne pas envie, c'est vrai. T'as pas envie de te l'imaginer. Alors, tu le gommes. En entendant l'équipe, je me dis, je suis en train de dire, Edouard, que nous trouvons assez exceptionnel ce qui se passe ici. Et on se dit, il y a quelque chose vraiment à faire savoir. Je dis pas forcément à modéliser, parce que c'est toujours compliqué, mais en formation, pour vraiment dire comment on peut travailler de manière intelligente. Parce que souvent, les professionnels se posent plein de questions, mais ils n'ont pas les réponses. On disait que les règles qui étaient mises en place ici, finalement, pourraient se mettre en place dans les autres structures, tout à fait. Mais ça va être surtout, on le voit en fait à travers le quotidien. Par exemple, dans les gestes vraiment primaires, enfin, se laver les dents. Une jeune fille, ici, qui ne se lave pas les dents. Quand on n'est pas sensibilisé à cette question-là, on va dire, oh, elle est chiante, elle ne se lave pas les dents, pour ces ados, vraiment. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps. Là, je vous parle d'une situation qu'on a déjà vécue. Cette jeune fille, au moment de se laver les dents, c'est compliqué d'ouvrir la bouche. On sent que quand elle passe sa brosse sur ses dents, elle a son visage qui est crispé, ça lui fait mal. Donc là, nous, ayant cette connaissance-là, sans la pousser à dire les choses, on va lui faire part de ce qu'on constate, de ce qu'on observe. Et cette jeune fille, quelques semaines, quelques jours après, ça lui a permis de révéler des choses qu'elle n'avait jamais révélées et de faire le lien sur la raison pour laquelle elle n'arrivait pas à se laver les dents. La gendarmerie est venue pour prendre ma déposition, que j'ai essayé d'expliquer avec mes pauvres petits mots d'enfant de 11 ans, je crois. Donc forcément, maigre détail, des lieux, des informations que je ne peux pas transmettre et qui donnent forcément un classement sans suite. C'était pas assez précis parce que les policiers en face de vous n'étaient pas assez formés, donc ils n'arrivaient pas à vous poser les bonnes questions. Parce que vous en aviez jamais vraiment parlé avant ? Alors, je pense déjà, la formation, c'est une certitude. Des personnes qui viennent et qui posent des questions qui sont toujours maladroites. Heureusement, j'ai pas eu la question de qu'est-ce que tu portais. On m'a pas posé la question de si j'avais pris du plaisir, si j'avais aimé ça, ce genre de choses s'est resté extérieur. Ou alors je l'ai peut-être occulté. Si j'avais été suffisamment choquée par les questions, peut-être que je l'ai occulté, c'est une possibilité aussi. Mais venir poser des questions sur des détails très précis, demander si le pénis en érection avait un signe distinctif qui permettrait de reconnaître comme si c'était une chose à laquelle on s'attarde, des informations de lieu et de date très précis, à 11 ans, savoir où est-ce qu'on a été violé, à quelle date, à quelle heure, si on a gardé une culotte ensanglantée, enfin, vraiment des choses où, en fait, c'est pas, un enfant n'a pas la capacité de raisonner en termes de preuves. Je comprends en tant qu'adulte aujourd'hui, je comprends ce qu'il demandait, bien sûr, je le comprends, il faut des preuves pour pouvoir accuser une personne, mais si on s'arrête à ça, alors bien sûr que je comprends maintenant pourquoi la parole de l'enfant n'a absolument aucune valeur pour notre système aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on n'accorde aucune valeur à la parole de l'enfant. Et finalement, il ne s'est juste rien passé pour moi, à part que j'ai parlé, que j'étais à l'hôpital et qu'on m'a dit finalement, on ne te croit pas, puisque c'est comme ça que je l'ai perçu finalement. Il y a eu une période un peu historique, je dirais entre 90, 12 et 97, où on s'est mis à entendre les enfants, à dire que les petits-enfants, et en particulier avant 10, 12 ans, ça n'avait aucune raison de mentir et ça disait des vraies choses. Et puis il y a eu ce tournant sécuritaire qui fait que, et à la fois la politique voulait que faire peur, hein, et quand tu veux faire peur à une société, tu lui fais peur de ses jeunes. Et donc il y a eu une grande tentative de décrédibilisation des enfants. Par exemple, ils ont supprimé la brigade des mineurs à ce moment-là, c'est maintenant la brigade des familles, c'est un contresens quand même en protection de l'enfance. Il y avait le défenseur des enfants, ils l'ont planqué dans un service du défenseur des droits. Au fond, tout a été fait dans la société dans ces 20 dernières années pour supprimer de la pensée collective l'idée qu'un enfant pouvait être à protéger. Et nous laisser penser que c'est que des délinquants. Il y a eu cette fameuse pétition, pas de zéro de conduite avant 3 ans, qui était tout ce programme INSERM qui était de chercher les enfants délinquants avant 3 ans. Donc on était dans quelque chose où c'était comme si le jeune était dangereux, délinquant, n'avait jamais été aussi pire que notre jamais de temps. C'est ce que toutes les sociétés en quête de sécurité font. Mais là, ça a été très accentué avec l'idée que... très, très manipulé par les agresseurs qui sont de tout milieu social et qui donc sont assez organisés, de laisser penser que un enfant carencé, ça ment. Alors si un enfant carencé ment, quand un enfant est victime de viol, d'agression sexuelle, bien sûr qu'il va avoir des faiblesses et qu'il risque d'être carencé, et on va dire, mais il est carencé, donc il ment. Ça, c'est l'acmé de ça, c'est Outreau. Ou finalement, alors que 13 enfants ont été reconnus effectivement victimes de viol et indemnisés en tant que tels, 30 000 balles, on a pensé et véhiculé partout que ces enfants avaient menti. On voit bien que dans la presse récemment, un des acquittés d'Outreau vient d'être mis en examen pour viol de ses enfants, encore une fois. Donc on voit bien qu'il n'y avait pas si tant d'innocents que ça. Mais bon, c'est jugé, c'est une chose comme ça. Et ça, ça a été un tournant, alors que tous les procès se sont mis à dire, tous les avocats de la défense dans tous les procès depuis 2005, arrêtent pas de dire, oui, mais on va encore faire un Outreau, regardez ce pauvre grand-père, sûrement que ses petits-enfants mentent. Donc ça a été un poids terrible pour la protection de l'enfance. Si vous voyez les statistiques de condamnations pour violences sexuelles, à partir de 2005, vous avez moins de condamnations pour violences sexuelles sur mineurs. La seule explication, c'est l'affaire Outreau. Moi, j'en vois pas d'autres. C'est-à-dire, c'était en montée, classique, etc. Et tout à coup, en 2005, vous avez une diminution. Une diminution de 25%. Donc c'est considérable. Alors, une fois de plus, cette affaire Outreau, quand même en dire un mot, parce que ça a eu un tel effet sociétal, juridique, expertal, auprès de tout, de la population, de la police, de la brigade des mineurs, auprès de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que les enfants mentent. Les enfants n'ont pas menti, ils ont tous été reconnus comme ayant subi des violences sexuelles, proxénétisme, barbarisme et tout ce que vous voulez. Tous ont été reconnus, ils ont touché des indemnités pour ça. Bon, il n'y a eu que 4 adultes qui ont été condamnés. Maintenant, c'est vrai, du côté des experts pour enfants, il est clair que beaucoup de ceux qui ont été relâchés, il y a des coupables parmi eux. Donc pour nous, c'est évident. Le juge, il a été parfait. Et vraiment, je reprends sa défense tout le temps. Et ce phénomène d'inversion victimaire, mais nous, pédopsie, on l'a vu mais œuvrer à plein nœud, de plein fouet. Et c'est redoutable, parce que si vous mélangez des médias, des bons avocats, et puis l'émotion publique, c'est terminé. Vous ne pourrez plus rendre justice. Tout ce mélange fait que l'effet Outreau était terrible pour nous, experts. C'est-à-dire, nous, on explique que, ben non, vous savez, les enfants, si vous voyez le dossier d'expertise, et si vous voyez les dessins, le récit, tout, on a plein de critères pour valider les discours des enfants. Tous les critères, ils les avaient tous, comme quoi leur discours était valide. Et c'est pour ça que dans le recueil de la parole de l'enfant, l'enfant sent tout de suite si on le croit ou pas. Et s'il sent qu'on le croit pas, vous n'aurez rien. Donc c'est pour ça que s'il tombe sur un expert qui pense d'emblée que les enfants mentent, voilà, c'est réglé, il ne dira plus rien. Et c'est-à-dire que l'enfant a besoin qu'on soit ce que l'on appelle, ce qu'un psychanalyste a appelé du joli terme, de témoin engagé. Oui, on n'est pas neutre, alors c'est clair, on n'est pas neutre. On est du côté de l'enfant. Et que s'il ne ressent pas ce côté engagé que l'on a, oui, il ne va rien dire. As-tu vécu des choses que tu n'aurais pas voulu vivre ? As-tu vécu des choses que tu n'aurais pas dû vivre ? Au début, nos questions sont larges et ensuite de plus en plus resserrées. C'est pour ça que ce risque de rétractation, pour nous, c'est dramatique. Si la fenêtre se referme, il y aura rétractation. Quand l'enfant parle spontanément, quand c'est un petit enfant, pas un ado, quand c'est un petit enfant qui parle spontanément, les études canadiennes et les études américaines nous disent que dans 99%, il dit la vérité. Et les fois où ça augmente un peu, c'est-à-dire où ça va du côté 5, 6, 7, 8%, c'est plus l'enfant grandit, plus il est pris dans une crise d'adolescente, plus il va régler ses comptes avec le père, la mère ou que sais-je, où là, il pourrait être sous l'emprise de l'adulte. À certains points, je n'ai pas été entendue ou pas crue, puisque c'est aussi comme ça que je l'ai interprété à cette époque. Finalement, ce n'était pas important ce que j'avais subi parce qu'il n'est pas puni pour ce qu'il m'a fait. Et c'est vivre aussi avec ça, d'avoir eu le courage de parler et de se rendre compte que ça n'a servi à rien. D'avoir eu le courage d'aller à l'hôpital et de subir le kit de viol par un homme sans qu'on m'ait demandé si ça me dérangeait ou pas encore une fois. Et cependant que ça ne change rien. Être entendu par la gendarmerie qui vienne ici, dans ce lieu que je considère ma maison, et protégée, devoir parler justement des sévices que j'ai subis avec mes petits mots d'enfant de 10 ans, et que ça ne change rien. Disons qu'à un moment donné, la justice nous renvoie un autre traumatisme sur le traumatisme. Vanessa. C'est comment ils emmènent les enfants pour faire subir ces tests-là alors qu'ils sont pas préparés et que ça se fait comme ça, ils ont pas le choix. C'est aussi, moi, pour ma part, je me rappelle, la gendarmerie vient me chercher à l'école, me fait monter dans un véhicule, mais les véhicules avec les grilles derrière où on met les coupables normalement. Et moi, je suis toute seule, on vient de sortir du collège, j'ai pas de famille, j'ai personne, pas d'éduc, personne. On me fait monter dans la voiture, je suis devant des grilles avec deux flics devant et on m'embarque. Ouais, c'est hard. Alors c'était peut-être il y a 20 ans, ok, ça a un peu changé, mais je suis pas sûre que ça ait changé partout. Je pense que pour ces infractions si graves, ces crimes, ces délits, il y aurait besoin vraiment d'avoir des professionnels formés, sélectionnés, volontaires. Parce que si je ne veux pas voir, eh ben je ne verrai pas. C'est simple. Si c'est trop dur pour moi du fait de mon histoire personnelle, de je sais pas quoi, je veux pas le voir. Si je suis du côté de l'agresseur, évidemment, je vais pas vouloir le voir. Pour faire de la formation, par exemple, avec les gendarmes, la gendarmerie nationale, à l'école de gendarmerie nationale, au centre national de formation, aujourd'hui, pour les formations, ils font volontaires, sélectionnés par une lettre de motivation, et la formation, du coup, est efficace. Et d'ailleurs, ça change complètement le groupe. Je l'ai fait avant et je le fais aujourd'hui. Le groupe est très différent parce que ce sont des personnes motivées qui ont envie de bien comprendre, de bien faire. Et du coup, vous avez une énergie de groupe qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais avoir avant sur justement les fausses allégations et tout ça. J'ai plus du tout ça. Alors, la dernière question. Selon vous, que faudrait-il améliorer pour une meilleure protection des victimes? Merci d'entrer une réponse. Alors là, j'ai écrit, oh là là, tant de choses à écrire. L'éducation nationale est responsable de 25% ou voire plus des signalements. Donc, ils font pas mal le boulot. Moi, je trouve que c'est probablement les professionnels qui bossent le mieux sur, ils ont les enfants, ils voient les changements de comportement, ils font des signalements dont ils n'ont jamais le retour. Donc, tu fais un signalement, le lendemain, tu auras les parents et l'enfant, et tu ne sais pas du tout ce qui va se passer, et les parents de l'enfant sauront que c'est toi qui as fait le signalement. On entend de plus en plus des médecins qui ont peur de dénoncer. Pourquoi? Par rapport au secret professionnel? Les professionnels ont peur de dénoncer, et quand même avec certaines raisons, puisqu'on en a encore trois qui ont eu des procès au Conseil de l'Ordre, avec interdiction professionnelle, etc. Et comment c'est possible? Eh ben, parce que immixtion dans le serment d'Hippocrate, qui est la charte des médecins, il y a écrit, tu ne feras pas d'immixtion dans les affaires privées. Et à ce titre-là, on te dit que, ben, tu as mal fait ton certificat, puisque tu as dit des choses. Et là, nous, à Viol Femme Information, on a payé l'avocat d'une collègue médecin qui a fait un signalement magnifique avec un certificat pour la maman, justement pour un enfant qui était victime. Et elle a eu un avertissement au Conseil de l'Ordre. Mais ça, comme ça, ça a l'air gentil. Sauf que quand c'est ton gagne-pain et que les gars, ils peuvent te condamner à ne pas travailler 6 mois, machin, c'est terrifiant. Et donc, elles n'ont pas envie d'emmerde. Il faudrait que le Conseil de l'Ordre n'ait pas le droit de poursuivre un médecin qui fait un signalement ni un certificat. Il faudrait que tous les avocats, juges, etc. aient lu et compris le livre de Dorothée Ducy. Au moins celui-là. Il y en a tant d'autres. Tout a été pensé, été écrit, mais ils n'ont pas lu les bons livres. Il faudrait que ceux qui écoutent les thèses farfelues des masculinistes, entre parenthèses Gardner, ne puissent plus s'occuper de droits des enfants. Que les masculinistes soient vraiment évincés des tribunaux lorsqu'ils sont en position de pouvoir, qu'on ne leur y donne pas la parole. J'étais placée d'abord dans un foyer de l'enfance avec ma petite sœur. Après, je ne savais pas trop pourquoi à Agen, aussi loin. Christine. Et c'est plus tard que j'ai appris, comme c'était plutôt une structure adaptée à ce qu'on avait vécu. Donc c'est pour ça qu'on a été placé ici. Il n'y avait pas grand-chose qui a été expliqué. Bon, on avait visité un petit peu avant de venir. Bah, en fait, c'est moi qui ai dénoncé à l'époque. C'était quand j'étais à l'école primaire, je crois. J'ai parlé à une dame qui travaillait à l'école. J'ai dit avec mes mots un petit peu ce qui se passait. Ouais, je me rappelle des choses qui n'étaient pas normales, des attouchements sexuels à part des deux parents. Pendant à peu près une année, moi j'avais 6 ans, et jusqu'à l'âge de 7 ans environ, et après ben, j'ai fini par parler. Et c'est ça après qui a tout enclenché, les placements. Ben, c'est vrai qu'à l'époque je ne m'en rendais pas compte, mais c'est plus en grandissant, un peu, ben, j'ai culpabilisé. l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Puis en plus, mes parents qui n'ont pas eu, je l'ai appris ça bien plus tard, qui n'ont pas eu une grosse peine. Ils ont été tous les deux 10 mois en prison seulement. Et comme je disais, bah, c'est moi qui vais en payer, moi et ma sœur aussi. Parce que je sais que pour moi, ça n'a pas été facile pendant des années. C'était compliqué, alors que pour mon père, par exemple, il a été aidé par une de mes tantes. Il est invité au repas de famille. Enfin, il avait plutôt la belle vie à sa sortie de prison. Alors, donc, il n'a pas vraiment payé. Alors, j'entends votre colère. Hein, elle est légitime. Hein, vous attelez à protéger votre enfant et finalement, le donc, système, il y a comme une espèce une de retournement. Hein, mais, des avocats-juges et lorsqu'ils et étudient encore, et que les juges qui viennent directement de la société sans avoir fait des études ne puissent pas traiter des dossiers familiaux, enfants, incestes, violences familiales, qu'ils ne puissent comment pas. Comment vous pouvez expliquer qu'à un moment donné, on n'ait pas de réponse de la justice? Qu'est-ce qui peut concrètement nous expliquer comment Angélique a pu subir ce genre de test qui prouve forcément, mais que derrière, il n'y a rien? Pourquoi des paroles comme ça ou pourquoi on trouve que la peine est trop peu? Est-ce que c'est des grilles, des critères? Est-ce que c'est la question qu'on se pose souvent, même dans les actualités. On voit, par exemple, un dealer va payer plus qu'un violeur. C'est malheureux, mais c'est ce qu'il en est. Qu'est-ce qui l'explique? C'est une question que je me pose aussi. Donc, il n'y a même pas d'avertissement, en fait. Voilà. Quand il y a la présomption d'innocence de dire qu'il n'y a pas assez de preuves, c'est classé ça ensuite, mais sans... Un ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, disait « Le droit n'est jamais innocent des sociétés qui le font naître. La loi, comme construction sociale, reflète la façon dont la société conçoit son devoir de protection de ses membres. Et s'agissant des violences sexuelles faites aux enfants, et notamment de l'inceste, notre législation reflète la façon dont nous pensons l'articulation entre le public et le privé. Nous devons voir que nous sommes collectivement responsables du fait que la maison doit être pour les humains le lieu de la sécurité. Et la loi comme construction sociale est toujours la synthèse de l'articulation de plusieurs principes, comme l'ordre public et comme la garantie des droits. L'ordre public est le respect des libertés individuelles. Le juge que je suis ne sera jamais tenté de prendre de la distance avec les principes fondamentaux qui font que nous vivons dans un état de droit. Mais près de 20 ans d'expérience de juge des enfants m'a permis de constater que nous avons la tentation d'interpréter nos principes fondamentaux de sorte qu'ils viennent faire écran entre la loi et le réel éprouvé par l'enfant. Or, aucun principe n'a jamais été conçu pour générer l'impunité des agresseurs et des violeurs d'enfants. Donc nous devons interpréter nos principes de façon protectrice. Nous ne le pourrons que si la loi le fait de façon exigeante. C'est ce que j'appelle une législation plus impérative. Moi, depuis février, le jugement, la reconnaissance, il a été reconnu coupable, je suis née. C'est ce que j'emploie comme terme. Parce que je suis complètement différente, je fonctionne différemment, j'ai des réactions et des douleurs au niveau de ma poitrine, de mon cœur qui n'existait pas vraiment avant. Ça fait mal, il y a quelque chose qui est là en fait, dans ma tête, des réactions qui sont pas pareilles, dans ma vie de tous les jours, des choses qui sont en train de changer. Et je découvre que là où je vivais beaucoup pour les autres, j'ai envie de vivre pour moi, parce qu'il y a des choses qui étaient éteintes, qui n'existaient pas. Et là, il faut que je m'en occupe et que je réapprenne à vivre avec, avec tout ça. C'est très important, enfin, hein, vraiment très important. Parce que souvent on se demande, mais à quoi ça sert le procès? En vous écoutant, je pense qu'on le dit très clairement. Et ça, c'est très très important. Merci beaucoup. Et puis on dit la justice, La justice doit être centrée sur le mis en cause. Et ce que vous dites permet de dire non, la justice, elle doit répondre à un autre objectif, qui est permettre ce changement positif. Ça, c'est très, très important. Ouais. Même à des moments donnés, quand ces petites filles, elles se présentent à vous et que vous n'avez pas les moyens de punir la personne et que vous parlez d'un classement sans suite, c'est ce qui revient le plus souvent. Je pense qu'on aurait besoin, et qu'elles auraient besoin, ou qu'ils, parce qu'il y a des garçons aussi, d'avoir ce temps de dialogue où on leur explique « c'est pas parce que c'est classé sans suite qu'on ne te croit pas, que ce n'est pas arrivé. Et si on te met quelque part, c'est justement parce qu'on te croit et qu'on veut te protéger. Trouver une parenthèse de dialogue, de possibilités humaines pour essayer de les faire partir avec autre chose dans la tête que ces mauvaises pensées. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... C'était la série documentaire L'inceste. Enfin, une prise de conscience collective. La CIVIS préconise que dès qu'une enquête est en cours pour violences sexuelles incestueuses, les poursuites pour non-représentation d'enfants doivent être suspendues. La CIVIS préconise que dès que le procureur de la République diligente des poursuites pénales contre un parent pour violences sexuelles incestueuses, l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement de ce parent doivent être suspendus de plein droit pour protéger l'enfant. La CIVIS préconise que dès qu'un parent est déclaré coupable de violences sexuelles incestueuses, l'autorité parentale doit lui être automatiquement retirée. Y a-t-il une transgression plus grave de l'autorité parentale que de violer sa fille ou son fils ? Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce, je me cache. Avec Angélique, Christine, Vanessa, Jennifer. Je suis prise au piège, surtout, je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Édouard Durand, juge pour enfants et coprésident de la CIVIS. Nathalie Mathieu, coprésidente de la CIVIS et directrice générale de la maison d'accueil Jean Bru. Muriel Salmona, psychiatre. Pierre Lévy-Soussan, expert psychiatre. Ernestine Ronet, responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Maya, écoutante de la CIVIS. Emmanuel Piette, médecin et coprésidente du collectif féministe contre le viol. Marc Répon, philosophe. Merci à toute l'équipe de la maison d'accueil Jean Bru. Merci à toute l'équipe de la CIVIS, merci à Laurent Bénéim, à la documentation de Radio France et à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son Laurent Macchietti, coordination Perrine Carvan, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Fallait papa venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es sous cet œil tout. Je sais que le loup n'est plus dans la forêt. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet. Enfants, adolescents, juges, psychiatres, psychanalystes ou policières, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous écouter au commissariat, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons sur les traces de la guerre en ex-Yougoslavie. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.